Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Après un petit voyage en DeLorean, nous sommes en 1977 dans le Blues Café qui était déjà surprise en live et en public. Bonsoir Doc, bonsoir Francis. Ouais, appelle-moi Francis entre nous. Bonsoir Cédric. Et oui, ce soir nous faisons un flashback. Nous sommes, comme tu viens de le dire, en 1977, et un bulldozer ravage les terres de Givors, puis celle de Lyon, on l'a déjà dit, nommée à l'époque capitale du rock par le journal Libération. Le public s'enflamme alors, comme vous, par exemple, pour un ovni sorti tout droit d'un roman de science-fiction de Theodore Sturgeon, Killdozer, le viol cosmique. La machine est en marche! Revenons à 2023, Francis, car étant né cette même année, 1977, je ne pourrais pas être à côté ce soir. Sinon, la machine est donc revenue sur Terre, ressuscitée par ses créateurs, en entraînant avec eux une nouvelle génération, les fils du rock lyonnais, Sons of Killdozer. Et le nouveau viol cosmique déboule ce soir dans le Blues Café, tel un bulldozer, je veux dire, pardon, un killdozer. Ce soir, sur la scène du Blues Café, il y a Marina, dit Little Queenie Soul. Edouard Doudou Gonzalez à la lead guitare. Il y a Jean-Pierre, dit Wawa à la seconde guitare. Pascal Garcia, dit Pascal Garcia à la basse. Yves Rotacher, dit Rotache à la batterie. Robert Lapassade, dit Don Roberto au chant. Killdozer. Yeah. people need to dance now. They're checking hard now, so we funk the rulers. I can tell you ain't play no tricks. You know what I mean. Funk the rulers. We ain't play just other music, but there is some good hot legs. Funk the rulers. Maybe we'll bring danger zone, but we dig it too much now. Funk the rulers. We got brains in our dancing shoes. And my shoes are black and white. Funk the rulers. Gonna get them to keep you down. Gonna keep you down. Funk the rulers. We got brains in our dancing shoes. And the shoes are black and white. Funk the rulers. Gonna keep you to keep you down. Gonna keep you down. Funk the rulers. We got brains in our dancing shoes. And the shoes are black and white. Ow! Hey! Ça va? Histoire d'une petite garce. Elle s'appelle Susie. Parce que c'est nous. So when the end of the day, looking fine. She's the one that I want, baby, she's right on time. Susie won't tell a soul when I want the love. Get so out of control when I need a new love. Susie! King-size bed, wrapped around a teddy bear. Wish it was me instead. Susie on a sandy beach, wearing a piece of string. Does she know the way I feel? Show me everything. Susie, you make me feel. Susie, I wanna feel. She's the one feel I'm gonna burst. Just got to see that girl now before it start to hurt. Mama gets so upset. Daddy says just a stage. When I need that little girl, I'll go and find a babe. Susie, you make me feel. Susie, I wanna feel. Told you one time, doo doo. Ils sont ce soir dans le Blues Café Live, Sons of Killdozer. On va demander à Robert de nous rejoindre ici pour parler de cette épopée Killdozer. Robert, nous sommes ravis. Mais ravi vraiment de t'avoir dans le Blues Café. D'autant que finalement, t'es un collègue, hein, puisque tu as fait de la radio, Radio ouais. Bellevue, Jazz Radio ensuite, avec une émission qui s'appelait Hors les Murs, il me semble, hein. Ouais, c'est et ça et Robert Indoor aussi. Ouais. Quand j'étais dedans, j'étais indoor, et sinon, j'étais hors les murs. T'as tout arrêté de ce côté-là ? Tout arrêté, non, je fais toujours la radio, mais de façon, disons, comme on fait maintenant en radio web, beaucoup plus facile, beaucoup plus maniable. Là, on parle d'un temps que les moins de 20 ans, enfin, c'était du hertzien. Donc le hertzien, c'est compliqué. Enfin, ça existe toujours, mais c'est compliqué à monter une radio. Vous savez peut-être. Oui. Enfin, nous, c'est plus hertzien oui, non plus. Encore, c'est-à-dire qu'on a remonté cette radio Bellevue un peu historique là, des années 80 en version web, radio Bellevue web. Il paraît que finalement, tout commença avec ton pote de lycée, un certain Jack Bon. Et que vous entendiez que ça bougeait du côté de Givor, c'est ça? C'est la rencontre avec Jack qui a fait un peu tout démarrer? Pas avec Jack, mais enfin avec Jack on se connaît depuis longtemps parce qu'on était au Bahut ensemble, à Lyon. Mais, et on est des pentes de la Croix-Rousse, donc on était voisins. Et sur la Croix-Rousse, il y a toujours eu beaucoup d'activités et pas mal de musique. Mais il se trouve qu'à une époque, la musique devenait un petit peu compliquée, un petit peu soit folk d'un côté, il y avait une grosse... Enfin, on s'en fout. Et puis, il y avait la musique progressive, un peu l'arfi aussi, ce genre, les clochards célestes. Et ça manque un peu de rock, d'amplificateur. Et puis, un jour, on a dû rencontrer Rotage, qui venait assez souvent à Lyon. Et voilà, de fil en aiguille, on s'est retrouvé à Givor, où je crois que Jacques l'a dit, quand on arrivait là-bas, c'était un peu Detroit, quoi. Il y avait des Marshall, deux, trois corps, un peu partout. Ça crachait fort, ça jouait fort. Voilà, on s'est dit, bah, c'est là qu'il faut qu'on fasse des connaissances. Et c'est là qu'on a rencontré très rapidement Doudou, Kiri également, le frère de Rotage, qui a joué de la basse à cette époque avec nous au début de Killdozer. Kiri Rotacher, qui nous a quittés l'année dernière. Alors, retracer l'époque de Killdozer du côté de Givor est quand même assez compliqué. Robert, tu as été un temps manager de Gana Fool. Doudou a joué avec Gana Fool et Killdozer. Il y a eu Taximov, Factory n'était pas loin. C'est vrai que ça grouillait. Est-ce que tu peux nous dire vraiment comment est né ce groupe Killdozer, du coup? Je sais plus très bien comment ça a démarré exactement, mais voilà, ce dont je me rappelle, c'est qu'il y avait au bord de l'autoroute qui traverse Givor, qui va à la vallée du Gier en direction de Saint-Étienne, il y avait une MJC avant, qui maintenant, je crois, est rasée, ou en tout cas en passe de l'être, et qui est fermée depuis bien longtemps. Et là, les groupes répétaient, et c'était des répètes publiques. On s'en est pas aperçu tout de suite, parce que quand on arrivait là-bas, on faisait des essais, on jouait. Et puis dans le fond, la salle était à peu près de cette longueur, peut-être un peu plus. Dans le noir, ça bougeait un peu. En fait, il y avait des mecs qui assistaient à toutes les répètes, très silencieux, très attentifs, et qui prenaient certains des leçons, parce que ça a fait école. Hein, les Doudous fait partie des guitaristes qui ont un peu lancé l'histoire. Mais il y en avait d'autres. Il y avait Denis Fusil, il y avait bien sûr Puce, évidemment, qui était déjà là, lui, au tout début aussi. Et puis Fourmi, qui est décédé lui aussi il y a déjà pas mal de temps, Rotache, tous ces gens-là formaient une base autour de laquelle gravitaient les musiciens en herbe. Les groupes se sont formés comme ça, il y en a eu jusqu'à 4 ou 5, je crois, qui étaient en activité à Givor. Hein. Alors justement, ce nom Killdozer, on l'avait dit dans une précédente interview, d'ailleurs tiré d'un roman hein, de science-fiction. Tout à fait. Viol cosmique, hein, je crois. Ouais. Et pourquoi tu l'as choisi? Quel rapport entre ce roman, ce viol cosmique et Killdozer? Oh, tu sais, quand on choisit un nom, des fois... Nous, déjà, Killdozer, on trouvait que ça sonnait bien, que ça pouvait être un peu... On pouvait le prononcer à peu près en étant de toutes origines, pas seulement anglophone. Et puis il y avait le mot kill dedans, tu vois, à cette époque, kill, on voulait être un peu bulldozer aussi, un peu méchant. Et puis parce qu'on aime bien la science-fiction, tout simplement, puisque c'est une superbe nouvelle de Theodore Sturgeon, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est sortie dans les années 40, mais qui a été traduite justement que dans les années 70. C'est là que moi je l'ai découverte, et c'est un peu en pensant à ça, puisqu'on s'est formé nous vers 75, que voilà, les choses se sont faites. Mais ça tombait bien, parce qu'après, quand on a signé pour CBS, le gars qui nous a signé était lui aussi un amateur de science-fiction, connaissait cette nouvelle particulière, dont il a été fait un film ou deux d'ailleurs, hein, des nanars, des films que je ne conseille à personne d'ailleurs, mais enfin, qui s'appelle Killdozer aussi. Robert, tu as dit un jour que tu t'ennuyais vite en écoutant de la musique et qu'en une heure, il te fallait écouter plusieurs styles. Est-ce que, bah justement, ça explique l'étendue de style de Killdozer qui va du funk au blues, en passant par la soul et le rock? Je ne sais pas si j'ai dit que je m'ennuyais vite, mais en tout cas, j'ai vite besoin de changer un petit peu d'atmosphère. La musique, c'est un biorhythme. Il y a des moments où on a envie que ça frétille, il y a des moments où on a envie que ça susurre, que ça vous mette confortable. Et donc, il y a des musiques qui sont adaptées à certains moments de la journée. Donc, c'est en ce sens-là que j'aime bien changer. Est-ce que c'est ça qui explique la manière dont on fait de la musique ? Enfin, c'est assez simple. Moi, j'aime bien la musique black en général. J'ai toujours aimé, depuis les années 67, 68, le rhythm and blues. Et même le rhythm and blues tel qu'on l'appelle déjà dans les années 40, celui qui donne naissance au rock, et on ne va pas refaire l'histoire, celui qui a piqué Elvis Presley. Mais le rhythm and blues façon Stax, et puis aussi un petit peu Motown, mais c'est moins mon trip. Celui du Sud, en tout cas, c'était quelque chose que j'adorais. Le son des cuivres, les hurleurs, Wilson Pickett, tout ça, c'était mon trip. Après, j'aime autant le rock, et on est tous tombés dans la marmite du... Je parlais de Détroit tout à l'heure, Detroit, MC5, les Stooges, Amboy Dukes, Mitch Ryder et les Detroit Wheels. Et puis d'ailleurs, la musique black, puisque Motown vient de Detroit aussi. Et le jazz, beaucoup de jazz, Coltrane est originaire de là-bas. C'était peut-être pas trop le style de ce qui se passait sur Givor, même cité ouvrière, plus rock. Si, Rotash, il a dansé sur le rhythm and blues. Et puis écoutez, quand on écoute les Rolling Stones, parce que notre groupe de base à tous, c'est les Stones, hein, évidemment. Les Stones eux-mêmes se sont toujours inspirés de musique noire, du blues bien sûr, mais pas seulement. La soul, beaucoup. Satisfaction, par exemple, qui était notre premier morceau, la première baffe qu'on a dû recevoir tous à la radio à cette époque, eh ben, c'est un morceau de rhythm and blues quand même. La preuve, c'est que Otis Redding le reprend à sa manière, bien sûr, mais que ça colle tout à fait. Donc le rhythm and blues et le rock sont des musiques tout à fait proche. Enfin, c'est la même. C'est une question d'arrangement, d'amplification, peut-être d'énergie, de colère, de frustration qui est différente. La base est la même. Le funk, c'est un peu le prolongement de cette soul et de ce rhythm and blues, mais version un peu bâtarde, un peu, et très souvent très électrifiée, quoi. Bon, c'est ça aussi qu'on aime bien, le speed et l'électricité. Et qui permettait à ta voix, justement, peut-être bien s'exprimer, ça, parce que t'as une voix de soul shouter, hein, quand même. Oui, oui, non, bah, moi, j'ai adapté plutôt ma voix au morceau, et j'ai essayé de crier pour passer par-dessus les guitares. On n'a pas toujours eu des sonos fantastiques, donc c'est de là qu'est venue ma façon, peut-être, de hurler, plus que d'une réelle volonté de faire comme ci ou comme ça. Après, les choses, effectivement, sont un peu instinctives, et sans doute que j'ai été très impressionné par ces shouters et ces screamers de la soul. Mais bon, on en avait plein, il y en avait plein. Moi, j'aime beaucoup Joe Cook aussi à l'époque, Mad Dogs and English Band, c'est un truc qui me défonçait vraiment. Même Tom Jones, j'aime bien. Robert, revenons un peu à l'histoire. Il y a un disque signé par CBS, éponyme, Killdozer, en 1980. Je crois que j'ai même le petit badge ici, tu vois. Comment ça s'est passé, cet enregistrement de ce disque ? C'était quand même une musique qui était quand même très novatrice. C'est vrai. Je pense qu'on était un poil trop tôt. On n'était pas dans le mood exact, parce que les mélanges comme ça de styles se sont beaucoup faits à partir des années 80. Et nous, on sort notre disque en 80. Donc là, il y a encore un petit peu... Chacun est dans sa raya, hein, chacun son équipe. Donc il y a les rockers d'un côté, il y a les rhythm and blues de l'autre. On se mélangeait pas aussi facilement que ça a commencé, ce métissage des musiques, en fait, dans les années 80. Donc ouais, c'était un peu avant-gardiste, c'est un mot un peu prétentieux, hein, parce qu'on n'a pas créé grand-chose non plus, mais ce mélange-là n'était pas très usité. Et en plus, on chantait en anglais, ce qui, pour Gana Fool, comme pour nous et quelques autres, et Little Bob, qui est notre mentor à tous, ne nous a pas facilité les choses dans l'Hexagone, c'est sûr. Hein. Parce que c'était juste le moment du débat, justement. Faut-il chanter en français, comme Téléphone et Bijoux ? Faut-il chanter en anglais ? Et nous, on avait l'ambition qu'en chantant en anglais, on irait jouer en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Italie, en Angleterre, bien sûr, et pourquoi pas aux States. Enfin bref, on en avait projeté des plans sur la comète. Dans ces plans, chanter en anglais, c'était tout à fait logique. Alors Gana Fool a fait un album en français, pas vous, par contre. Vous avez jamais chanté en français ici. Non. Non, Simplex, tu le retrouveras jamais, cet album en français. Dans le grenier. On a fait un essai quand on a sorti le premier album. Il s'en est vendu quelques milliers, mais pas assez au goût de la maison de disques, qui était quand même une major CBS, et qui nous avait signé en espérant reproduire un petit peu le coup de Trust, qu'ils avaient signé juste l'année avant, et qui était chez Epic. Et nous, on était chez CBS, c'est la même maison, mais c'est pas la même équipe. Donc l'équipe de CBS voulait montrer à Epic que, attends, nous aussi, on peut te signer un groupe qui va cartonner. Ils avaient juste oublié de se renseigner et de savoir si on chantait en français ou en anglais. On chantait en anglais, ils s'en sont aperçus quand l'album a été terminé. Mais vraiment. Et même ce bonhomme qui orne notre pochette, qui est une réussite discutable, mais dont on se souvient en tout cas, avait été conçu par l'agence de marketing, la CIA, en pensant plutôt à du hard rock, et c'est la même agence qui avait fait la pochette de l'album de Trust. Oui, c'est avec vrai qu'il y a Caterpillar, justement. Il y a effectivement une vraie ressemblance. À l'image, ouais. Justement, tu parlais de Christophe Simplex, donc Simplex Records, qui l'an dernier donc, a fait paraître un album de Killdozer, nommé Lost Demos et Early Works. Ça contient des titres inédits aussi, c'est encore des histoires de grenier. Ah oui, ce ne sont que des inédits, car Simplex n'édite que des inédits. Oui, c'est pas des compilations, des rééditions, c'est des choses. Alors qu'on a redécouvert, comme je le dis, dans le coffre à gants, la boîte à gants d'une déesse posée sur Cal, la région d'Ampuy, là-bas, dans les côtes rôties, un endroit qu'on fréquente pas mal. Et dans cette boîte à gants, il y avait cette cassette oubliée. Nous-mêmes, on avait un peu oublié qu'on avait fait ces démos dans le même endroit que là où l'album de Gana Fool a été enregistré, justement, chez Gilles. Gilles Desportes, voilà. On a qui une avait bonne une espèce réponse de studio dans une cabane, dans un appentis en bois, une console de, comme ça se faisait à l'époque, c'était une console de mix de scène, en fait. Et on a enregistré One Shot, l'arrangement était prêt, et on jouait en direct dans le studio, lui mixait le définitif sur un deux-pistes Revox. Donc c'est dans ces conditions brutes, on a fait une maquette d'une dizaine de titres pour démarcher un peu, pour jouer, quoi. Puis on l'a oublié complètement, et on a changé surtout un peu de style à partir de 79, on a mis un petit peu plus de ces ingrédients dont on parlait tout à l'heure, un peu de soul, un peu de funk, un peu de musique black au travers de notre rock'n'roll qui était très bourru, très brut, très speed à l'époque, garage presque. Alors est-ce que c'est justement cette sortie d'album sur Simplex Records qui a donné envie de remonter sur scène et du coup de se nommer les fils de Killdozer? Ouais. C'est ça. Ouais, c'est pour rigoler. Ouais, pour rigoler, bien sûr. Les fils d'eux, parce que tous nos enfants seraient en âge de monter sur scène à notre place, hein, largement, et ils sont nombreux. Ah bon, chez certains. Ça ne nous regarde plus. Oui, les fils d'eux. Et puis, merci à Simplex, au passage, qui pourrait avoir une espèce de petite médaille pour avoir ressorti de la naphtaline une série de vieux, quand même, récemment, et leur donner l'occasion de se retrouver et de rejouer ensemble. Parce qu'effectivement, un peu comme Ganaf qui se reforme à l'occasion de cette édition d'inédit, et ben nous, c'est après le projet de Christophe de cet album 77-79. On s'est dit, tiens, pourquoi on remettrait pas le couvert? On l'a fait de temps à autre, hein, au fil des années avec Doudou, on s'est jamais perdu de vue. On a fait tous les 4 ans, on se retrouvait 5 ans, on se retrouvait pour un petit projet éphémère. Mais on savait qu'on était vivant et qu'on avait la frite encore. Donc voilà, c'est reparti l'année dernière, en fait, en fin 2021. Voilà. Avec Kiri, notre bassiste originel, dont je parlais tout à l'heure, et Pascal, parce que nous, on craint pas le nombre. Hein. Ce soir, on aurait dû être 8, puisque vous savez, on a une section de cuivre. Et là, on n'a pas la place, évidemment, de venir avec tout le monde. Mais à l'époque, on avait non seulement 2 cuivres, même 3, mais en plus, on avait 2 bassistes. Et puis, Kiri a fait un concert avec nous à Villefranche, là, au Quai 472, en 2022. Décédé un mois après. Donc ça nous a mis un peu une calotte quand même, et puis il y avait comme un signe du destin, et il avait tellement aimé ses retrouvailles, Kiri et nous, moi, de retrouver Kiri que j'avais pas vu depuis des années aussi, qui jouait merveilleusement bien de la basse avec les doigts très souples, très, très soul d'ailleurs, Kiri. Et ben, il nous quitte, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, on s'est dit on va continuer. Voilà. Eh bien, vous allez continuer tout de suite sur la scène du Blues Café. Merci. Merci Robert Lapassade, Sons of Killdozer. Nous sommes ici au Millennium à l'île d'Abo pour le Blues Café. Nous sommes en live et en public. Vous pouvez assister à ces émissions, toutes les dates, sur le www.bluesactu.com. There's loving every day, baby, baby. I'm acting like a child, baby, baby. I'm trying to be the cool, baby, baby, baby. I don't like crying, baby, baby. You mean so much to me, darling, baby, baby. Love it, don't demand it, no, no. Don't you go and break my heart if you do it. I might hurt you, no, no. Don't you go and break my heart. Did you do it? I might hurt you. Ah! Baby, don't you leave me alone. Baby, I need somebody. Got no woman, baby, baby. I know he ain't got no woman, baby, baby. I know he ain't got no woman, no, no, no, no. Don't you go and break my heart if you do it. I might hurt you, no, no, no, no. Don't you go and break my heart if you do it. I might hurt you, no. Gonna hurt you. We'll be right back. goes down. It's a crazy sense, feel steamy. Take your commercials, we're trying to look like you. Until you wanna know how, we're trying to look like you. Until you wanna know how. From 10 to 10 I'm gonna start as talk. I'm gonna swim in that world, daddy. From time to time I'm gonna fall and rain. I'm gonna look strong, I deep for city and me. Walk about. Killdozer, et ils sont ce soir dans le Blues Café Live. On va demander à Robert de nous rejoindre. Mais avant, on a un invité, j'ai envie de dire un invité surprise, qui pourrait être dans le livre Guinness Book des records comme étant celui qui a assisté à tous les Blues Café. Et ça, je pense que ça peut s'applaudir. Parce que je crois que Gérard est notre plus fidèle spectateur. Mais c'est pas pour ça que je suis là. Hein. Non. Alors... Quel accueil, ouais. Je crois qu'il a établi aussi un second record, puisque c'est un encyclopédiste en quelque sorte. Il vient d'écrire un tout petit fascicule que Cédric et moi, tous les deux, on a même du mal à porter. Un livre de plus de 1000 pages, et c'est pour ça qu'il est là, il va nous en parler. Un livre sur Mickey Baker. Ouais. Ah. Alors on va préciser peut-être le titre exact tout de suite, parce que c'est un titre assez long, hein. Life is strange, donc vie, non, je sais même plus. Il a pas ses lunettes, alors vie, œuvre de la virtuose de la guitare. Bon, je rappelle quand même que les guitaristes le connaissent bien, puisque c'est là, je crois, la première méthode de guitare qui avait été écrite par Mickey Baker dans les années 50, et que la plupart des musiciens des 60s ont appris à jouer de la guitare avec la méthode de Mickey Baker. Donc il y a peu de gens qui apparemment le connaissent, mais bon, il a quatre carrières en lui, hein, donc... Et c'est pour ça que tu as choisi d'écrire quelque chose. Non, alors non, précisons non, tout de suite, tu n'es pas tout seul, hein, vous êtes deux. Non, au départ. Vous êtes partagé les 1200 pages. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est quand il est mort il y a 10 ans, j'avais prévu ça pour Blues Magazine, qui a finalement jugé ça trop long. Donc j'avais laissé tomber, j'avais même commencé à mettre sur Internet, tout le monde pique tout. Et puis il y a 4 ans, il y a Michel Morlaix qui signe sur son nom, parce que son père est anglais, il me dit qu'il connaissait le gars de Camion Blanc. Qui est intéressé. Alors, comme précisons que Camion Blanc, c'est une maison d'édition. Spécialisé dans la musique. Et comme lui, il avait interviewé beaucoup de musiciens qui évoquaient Mickey Baker. Et j'ai vu que ça l'intéressait, je lui ai dit de collaborer. Mais le travail était déjà fait à 80%. Hein, je veux dire, c'est pas... Mais disons, c'était mieux. On a trouvé d'autres idées. Comment dit-on ? Une question me taraude. Comment peut-on écrire 1200 pages sur un artiste ? Parce que ce gars-là, il a 4 carrières. Il a vécu 200 ans ou... Non. Il était musicien de session. Il a, sur tous les grand tube de rhythm and blues des années 50, celui qui joue, bon, le plus classique c'est I Put On Spell On You, que tout le monde connaît. Et après, en 57, il a fait le duo avec Mickey Sylvia, qui était numéro 1 aux États-Unis avec Love Is Strange, donc ça, les gens ils connaissent pas, mais c'était dans Dirty Dancing, pour ceux qui avaient vu le film. Et après, il est venu en France, il a refait musicien de session, et un jour, dans les années 70, Memphis Slim, un autre expatrié, lui dit « Toi, t'es borgne et noir, fais du blues. » Il a passé à Montreux, il a enregistré des disques chez Black and Blue, il a accompagné champion Jack Dupré. Il y a quoi faire, hein, quatre carrières. Hein. Il a 300 pages de discographie, alors. C'est impressionnant, quand même. Hein. Impressionnant, ouais. Mais donc... L'idée est venue de cette passion de ce guitariste. Hein. Oui, parce que j'ai découvert quand j'étais adolescent. Mais tu les as menés comment, alors, avec ce... Mais aujourd'hui, tu peux consulter les archives de Billboard depuis 1946, de Cashbox, tu peux tout consulter aujourd'hui. Je veux dire, c'est un bouquin qui n'aurait pas été possible à faire il y a 20 ans, peut-être. Parce que ce qu'il y a, donc, chaque musicien qui l'a accompagné, donc il y a sa carrière personnelle, chaque musicien qui l'a accompagné, il y a une petite bio. Donc ça fait du monde, hein. Tout ce qu'on a identifié, parce que tous les jours, on en découvre encore. Hein. C'est un travail colossal. Ah oui, plus de trois ans. Sans parler, déjà, avant, j'avais déjà travaillé des années dessus, quoi. Mickey Baker, Life is Strange, vie et œuvre d'un virtuose de la guitare. Voilà. Et on salue un autre virtuose, l'encyclopédiste Gérard Mickel. Et néanmoins ami, hein. Oui, c'est vrai. Bah, si. Merci beaucoup Gérard. Ça remonte à là. Scène Blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. L'émission concert en public avec Cédric Vernet et Francis Rateau au Millennium de l'île d'Abo. Robert, il y a une énorme histoire sur le rock lyonnais et finalement il n'y a pas eu tellement de livres qui relatent le rock lyonnais. C'est à toi de jouer maintenant. T'as pas eu envie de faire ça toi si, qui on y a pensé, on y a même pensé à une époque, on s'est vu, notamment Simplex déjà était là, il y a Serge Dumonteil également, on avait un peu fomenté, enfin discuté autour de cette idée d'une espèce d'encyclopédie du rock lyonnais sur, disons depuis les années 60 au moins, puisqu'il y a toujours eu beaucoup de choses et il n'y a pas de génération spontanée à Lyon comme ailleurs d'ailleurs. D'ailleurs, les choses s'enchaînent et il y a toujours des gens qui ont fait avant vous quelque chose de bien. Et à Lyon, ça a été le cas pendant toutes les décennies qui ont précédé celles où nous nous sommes illustrés, fin des années 70, début des années 80, mais au-delà aussi. Là, on vient de voir un concert de Go Public, par exemple, qui est la reformation de groupe de la période noise lyonnaise, qui est plutôt les années 90, où nous, on commence à décrocher un peu. Mais il y a une continuité tout le temps. Et tu es toujours un observateur de la scène actuelle ? Ouais. À Lyon, il y a des groupes. Tu peux nous parler un petit peu de ce que tu aimes dans les groupes actuels à Lyon ? Oui, les Chic Types, par exemple. Je le dis au hasard. Hein. Ça me va. On va attendre qu'ils aient 40 ans d'existence et 6 femmes chacun pour en reparler, quand même, et écrire un livre sur et les Chic Types. Hein. Oui, tout à fait. Sinon, je vais te dire, je vais placer un mot sur les Beaten Brats, qui sont petits chouchous, parce que c'est un trio supersonique. Les mecs jouent comme on jouait même, peut-être même pas à l'époque où on était encore très très jeune, très vite, à des tempos ultra, ultra rapides. Tous les morceaux enchaînés, leurs sets font 3 quarts d'heure quand vraiment c'est long. Et ils ont des chansons, c'est les Ramones montés sur roulement à billes, quoi, parce que c'est à la fois mélodique et très très speed. Alors j'aime bien les Beaten Brass, mais il y en a d'autres, les Scanners, qui sont d'ailleurs une émanation de ça. Je parlais à l'instant de qui, là, je m'en souviens même plus, juste avant. Les Chiptiques. Et puis Eat Your Dogs, qui ont fait notre première partie, qui ont joué avec nous quand on a joué à Villefranche la dernière fois et qu'on aime beaucoup, qui font aussi. Ce que j'aime bien, c'est les groupes qui ont des compos à eux. Les reprises, ça va 5 minutes, hein, il en faut. Nous, on en fait une là ce soir. Mais sinon, c'est bien d'avoir ses propres morceaux, de développer son propre style. C'est ça que je continue à suivre dans des groupes d'aujourd'hui. Tu parlais de Beaten Brats. On salue Théo Charaf, qui fait partie de ce groupe. Absolument. Et qui était notre invité il y a quelques semaines. Un gars qui a un talent immense, parce que solo avec une guitare acoustique dans une ambiance à la Neil Young, Skip James, il est esbroufant. Puis on lui donne pas son âge, le mec a à peine 30 ans et il a une voix d'un mec qui a roulé sa bosse pendant 50 ans. Maintenant, on a envie de te poser la question. Et maintenant, la suite des Son of Killdozer, des concerts, j'imagine. Mais peut-être aussi, tu en parlais à l'instant, que tu aimais les compositions, peut-être un album avec des compositions. Ouais. Ah bah oui, il faut écrire. J'aime bien les compos, mais il faut les faire quand même. Alors, il y a une chose qui se passe avec les années, c'est que une espèce d'inspiration qui se tarie quand même un peu, hein. On a moins d'énergie, mais l'inspiration aussi vient. On a des morceaux en jeu doudou, il en a plein ses tiroirs, des choses qu'on peut traficoter et monter. Mais enfin, on ne s'est pas penché là-dessus pour le moment, parce que d'abord, on n'a pas un projet d'album. Et ensuite, ce qu'on fait et qu'on réarrange des anciens morceaux nous va bien aussi. D'autant que nous, on avait une petite frustration à régler, parce qu'on a fait cet album en 81 avec des cuivres qu'on a trouvé là-bas sur place à Londres, et on a découvert nos morceaux cuivrés comme ça, ça nous a vraiment botté, et après on n'a jamais eu l'occasion vraiment de le refaire. Même pas ici. On a fait une petite tournée derrière l'album avec un saxophone de session avec qui on branchait pas particulièrement, et puis c'était un sax comme ça, mais avec au moins une section, au moins 2 cuivres, sinon 3, c'est un plaisir qu'on s'offre sur le tard. En retraité. On vous fera revenir. On va casser un peu les murs du Millennium et on vous fera revenir pour qu'il y ait plus d'espace. Quand vous aurez plus d'espace, il faudra refuser 4 personnes ou 5. Alors tu disais qu'il y avait quelques titres qui traînaient dans les tiroirs. Faites gaffe parce que tout ce qui traîne dans les tiroirs, ça termine chez Simplex. Donc faites gaffe à ce que vous laissez traîner dans les boîtes à gants et dans les tiroirs. Tout à fait. Bah, on a des projets d'ailleurs avec Simplex sur des tombées comme ça, parce qu'on a fait des groupes et des enregistrements inaboutis, bien sûr, comme tout le monde. Et maintenant, c'est marrant, c'est bien de ressortir les choses. Enfin, il y a des gens qui aiment ça. Et nous, ça fait plaisir, parce que les gens disent « Ah, putain, c'est vachement bien ce que vous avez fait en 72. » On va vous retrouver sur la scène avec notamment deux titres. Il y a un morceau qu'on aime bien, Soul Radio. C'est un petit peu bon, c'est pour nous, je crois. Ouais. C'est pour nous, peut-être, non ? Et une reprise, tu en parlais tout à l'heure. Vous allez terminer la soirée avec une reprise d'Otis Redding à la sauce Kill Dozer, tout j'imagine. À fait, Hard to Handle. Une reprise d'Otis Redding qui a été reprise par tellement de monde que... Et on a bien écouté celle de... Comment il s'appelle? Crow. Black Crows. Exactement. Et c'est un peu entre les deux dont on s'inspire pour la puissance un peu de cette version. Et Soul Radio, tu as raison, c'est un morceau dans lequel on évoque le monde idéal d'un gars qui se balade en voiture. Et vous le savez tous, c'est en voiture qu'on écoute le mieux la musique quand même, en général. Il a la chance d'avoir une radio FM qui ne passe que de la soul music, donc c'est une espèce de citation comme ça, de divers chanteurs, de divers expressions ou phrasés qu'on trouve dans des morceaux de soul chez Stax. On va te retrouver sur scène d'ailleurs avec un premier titre, Ouragan, si je puis dire. Un titre justement apparemment que tu faisais du temps des Snapping Boys, qui est un autre groupe que tu as fait, c'est ça ? Hurricane, qui est un morceau qu'on a fait avec les Snaps. Et en plus, ça permet de faire encore une fois, d'avoir une pensée, je ne vais pas faire un hommage à chaque fois, mais à Charlie, parce qu'à nos âges, les potes disparaissent les uns après les autres. Et Charlie, lui, est décédé au printemps dernier. Et sans lui, il ne sera jamais question de reformer les Snapping Boys. Et c'est en pensant à ça qu'on a eu envie, et c'est Doudou qui aimait bien aussi ces morceaux-là, de reprendre ces titres qu'on jouait avec les Snaps. On vous retrouve sur la scène du Blues Café. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Le temps, tu parlais de Soul Radio, de remercier toutes les radios FM qui nous rediffusent, et elles sont nombreuses. Et de vous parler aussi de Blues Café Radio, notre web radio 24h sur 24, que vous pouvez retrouver sur bluescaféradio.com. Sons of Killdozer. The way you walk, the way you smile, the way you mess your hair. Can make me stop and stare. Across the room, you cross your legs. I cross my heart and swear. I hold my breath, I close my eyes. Ooh yeah, it's just not fair. Love is like a hurricane. Se donne rendez-vous dans le Blues Café avec avec Cédric Vernet et Francis Rato, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. C'était ce soir le Blues Café Live de Sons of Killdozer. On remercie également Gérard Biquel qui est avec nous pour nous parler de ce très beau livre sur Mickey Baker. Merci à toute l'équipe du Millennium. Merci au studio Magneto et à François Rosenciel. Et merci surtout aux musiciens. Il y avait ce soir Marina, Edouard, Jean-Pierre, Pascal, Yves et Robert. Et on vous laisse la scène pour un dernier morceau. À très bientôt. Ciao, bye bye. Ça s'appelle Hard to Handle. Come on! Baby, here I am, I'm a man on the sea. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got something strong. When I get to you and know you got to come back for more. Boys and sing will come by a dozen. Dying nothing but the church don't love it. Pretty little thing that we like to count. Cause mama I'm sure how to handle now, yes I am. Action! Sick died in the world and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I advertise you to love for free, so won't you place your head for me? Boys and sing will come by a dozen. I ain't nothing but a drug store loving. Pretty little thing, let me lie to count. Cause mama, I'm sure how to handle now, yes I am. Oh yes I am, yes you are. And I wanna tell you one time, give it to me, gotta have it. Give it to me, gotta have it. Baby, baby, baby, baby, baby, give it to me, I gotta have it. Gotta have it. All kinds of sin will come by a dozen. Dying nothing but a drug store loving. Pretty little thing that we like to count. Cause mama, I'm sure how to handle now. Yes, I am. Oh, yes, I am. We'll come by a dozen. Buying awesome other drugs, don't love it. Pretty little thing, let me like to count. Cause mama, I'm sure how to handle now. Yes, I am. Oh, yes, I am. Got it, baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got something strong. When I get to the UNO, you got to come back for more. Boys ain't sick, we'll come by another. Flying off some of the drugs, all of it. Pretty little thing, let me like to count. Cause mama, I'm sure how to handle now. Yes, I am. Oh, yes, I am. Give it to me, I gotta have it. Give it to me, I gotta have it. Baby, baby, baby, baby, baby. Give it to me, I gotta have it. Gotta have it. Boys and sing will come by a dozen. I know some of the drugs are loving. Pretty little thing that we like to count. Cause mama, I'm sure how to handle now. Yes, I am. Oh, yes, you are. enregistrement en public du Blues Café au Millennium de l'île d'Abo. Date et renseignements sur bluesactu.com. Le Blues Café Live. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Merci.